بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل الصحابي ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين. أما بعد، ما معنى يغتسل؟ يغتسل تطيب، يتطيب. الطيب صف. تعلم، يتعلم. أحب، يحب. بكر، يبكر. بكر، يبكر. سبحان الله. فعل تكبير؟ لا، لسه كبر. بكر. بكر. سبحان الله. Arrivé tôt. Chourouk. Levé du soleil. Ça. Non. Ghouroub. Ghouroub, c'est la possibilité. Non. Attends, je vais... هذا العكس من الأول. هذا contraire de celui qu'on vient de dire. شروق الغروب. الكوشي. ما معنى تقريبا؟ تقريبا. تقريبا. كي. pour. حين. au moment de. طيب. اليوم يا الثاني املي الفراغات بوضع المناسب مما بين القوسين. الجمله الاولى تفضل. سيقيم الصلاه حين تسمع الاذان. نعم. ستسافر حين تحجز مقعد. نعم. مقعدا. مقعدا. ثالثا. ستتقدم في الدراسة حين تقرأ كثيرا. نعم. ستتعلم الكتابة حين تدخل. المدرسة. Quand tu rentreras à l'école. Tu vas apprendre à écrire quand tu rentreras à l'école. Ah ouais, d'accord. Khamisan. Tu verras où tu iras. سادسا. ستعرف نتيجة حين تأتي من المختبر. نعم. تأتي là ça a le sens de partir ou de venir. Venir. Nous, tu viendras au laboratoire, c'est ça ? ستصل مبكرا حين تذهب للدرجات. Tu vas arriver tôt quand dans la marche. Tous les hauts. Non. Dépêché. Non. ثامنا ستجد الرجاء الراحة حين تنام قليلا. نعم. تاسعا. وعليكم السلام ورحمة الله. ستهبط الطائرة في الساعة التاسعة تماما وسيدخل الركاب صلاة سفر في التاسعة في التاسعة ونصف تقريبا. نعم. طيب. التنبيه لم الأمر كنا بخيلة. مثلا فالنسليع كنسين مبكرين. L'origine c'est que ce lem il est qu'une kasra. Là il y a une soukoune à cause du feu qu'il y a devant. Et quand il vient tout seul, sans feu devant, il s'écrit qu'une kasra. Li nusliya, tu vas dire. Il ressemble au lem et ta'lil. Donc voilà la différence dans le courant de la phrase et avec la harakat à la fin du verbe. Donc l'origine c'est que ce lem am c'est qu'une kasra qui s'écrit. Thumma kunna rabia. Makada. Non. Ajmal oula, andek. Anna. Là. ستتعلم الكتابة. لا رابع. هنا أنت رابع في الثانية. هذا رابع. فلنستعد كي نصلي صلاة في مواعيدها. نعم. ثانيا فلنستمع كي نستفيد من الدرس. نستفيد. نعم. ثالثا فلنسي المبكرين كي نقرأ شيئا من القرآن. رابعا فلنتطيب كي نستعيد في صلاة الجمعة. نستعد. نعم. خامسا. نعم خامسا. فلنعمل الفصح فحصا كي نعالج المرض. نعم بإذن الله. سادسا. فلنذهب إلى الملعب كي نضرب لاعبين. نعم. لكن النصيحة طيبة كذلك. هي في بريسيبيتي على فوري فرابي. ننصح ولد. طيب. نصيحة. Et après c'est pas accepté. On passe à l'étape supérieure. C'est vrai. On met le conseil d'abord. La dîne nasiha, c'est mieux. Mon qui ne peut pas mieux certains d'entre eux Allah le wafaq pour le khayr. Parce que tu vois, tu les frappes direct, ils vont pas comprendre. Tansah, kada. Et après celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui n'accepte pas, leur couteau. Ayyeb. Naam. Fannadkhul, c'est en chaîne, comment tu dis? Fannadkhul al-matham. Naam. فندخل المطعم كي نأكل الطعام. نأكل الطعام. نعم. فلنسرع كي نركب الحافلة. فلنهجز كي نتمكن من السفر. طيب سندخل في جزء إقراء بعنوان كيف تقضي يومك. La corde à gris, à la base c'est jugé, ce qui va là c'est passer. Comment tu passes ton jour, ta journée? La corde on a passé. Comment passé. Comment tu passes ton jour, ta journée? Et c'est quoi son Qadha Yaqdi? Ça veut vouloir dire Qadha al-Hakim? Aussi, ouais. Les jugés aussi. Qadha. Jugé. Et aussi expier, ça aussi, vous voyez, expier. Qui n'a le sens voulu, c'est passé. Quand il y avait le kalimat al-Jadida. Rasala yarsilu. Laver, à la marlouf. Hawala yuhawilu, c'est tenter, essayer. Mais essayer pas dans le sens de tester, essayer dans le sens de tenter. Par exemple, tu ne peux pas dire ou hawil seyala pour dire j'essaie une nouvelle voiture. Là, c'est pas celui-là qu'il faut, c'est un autre. Là, c'est hawala, c'est tenter de faire une chose. Istaykava yastaykidu, se réveiller. Qadha yaqdi, on l'a dit en haut. Tu veux le dire là dans le verbe, dans le texte passé. Mais le plus souvent, c'est quoi? C'est ça dépend de la phrase. Ça dépend. Nashatun, entre parenthèses, un nashat riyadi. Un nashat, c'est quoi par là? Une activité. Et nashat riyadi, c'est activité sportive. Un nashat riyadi, c'est une activité sportive. Nashat, ça peut aussi vouloir dire forme, la pêche, quoi, comme certains disent, l'énergie, mais là ce qu'ils veulent, c'est l'activité. Wajib, à la base, wajib, c'est un devoir. Et là, ils disent wajib manzili, devoir de maison. Comme ce que font les écoliers. Ah, d'accord. Wajib manzili, c'est devoir de maison. Asdikwa'u. Maman, Asdikwa ou Asdikwa, un ami, des amis. Non, Jam Sadiq, des amis. Isti'adad, c'est le masdar de Ista'adda Yasta'iddu. Qui veut dire se préparer. Isti'adad, c'est le masdar. Le fait de se préparer, préparation. Al-Fajr, ma'alouf. Zakara, le Zakiru, c'est révisé. Zohran, c'est le, en fait le temps du Zohr. Salat Zohr. Zakara, c'est pas Raja. Aussi Zakara. Zakara. Mmh. C'est révisé. Zohran, c'est à l'heure du Zohr. Iqama, les salat, c'est le deuxième azan qu'on fait juste avant la salat. Quand Qama ti salat, quand Qama ti salat. Et en fait, la wadi. Selon la phrase, il veut dire obligation de manière générale ou obligation de devoir. Non. Quand un devoir et une obligation, c'est pareil, à la base. Ouais. Seulement après, en fonction de ce que tu mets derrière, tu précises quelle obligation tu veux. On utiliserait quoi, par exemple, essayer un objet ou un... Non, c'est essayer de faire une chose. Essayer de faire une chose. Mais un produit, tu diras. Jarraba, jarribo. J'arrive, si on va essayer. Taïb Nakra, Yakul. Fi kulli yomin, astaykidu fil fajari, fa usolli salat al fajar. Donc chaque jour, je me réveille au fajar et je fais la salat du fajar. Thumma uftir. À la base, aftara, iftar, m'avait pris pour dire quoi? Le fait de rompre le jeûne, mais eux, ils veulent dire quoi? Le petit déjeuner là. Non, mais aftaro iftiro. C'est un verbe ça? Non. Aftar. واستعدوا للذهاب الى المدرسه عند شروق الشمس. Je me prépare pour aller à l'école au lever du soleil. Au moment du lever du soleil. تنتهي الدراسه في الساعه الثامنه عشره الساعه الثانيه عشره ظهرا. Donc les cours se terminent à 12h à fin lors du dhuhr quoi. Du midi. فأعود إلى السكن بالحافلة مع الطلاب. Donc je retourne au dortoir par le bus avec les étudiants. ثم أصلي صلاة الظهر. Ensuite je fais صلاة الظهر. وأتناول الطعام الغداء. Et après je prends le repas du midi, déjeuner quoi. الغداء c'est le repas du déjeuner. ثم أستريح أو أنام قليلا أو وقتا قليلا. Ensuite je me repose ou je dors un petit peu. En cours, à ton cours. Un petit moment. Se reposer. Thumma usalli salat al-asr. Ensuite, je fais salat al-asr. Thumma uzakiru durusi. Ensuite, je révise mes cours. Wa fi ba'd al-ayyam arji'u ila al-madrasa fi sa'ati rabi'ati masa'an lin-nashat al-riyadi. Et certains jours, je retourne à l'école à 4 heures de l'après-midi pour l'activité sportive. Hein? C'est la même chose. Non, sauf que la France, ils ont l'école que le matin. En France? Là, ici. Ah. France, toute la journée, te bombarde. Ah, ouais, ça ne marche pas. Wa ba'd shams ou solim el maghrib. Et après le coucher du soleil, je fais salat du maghrib. Thumma uzakiru durusi. Ensuite, je révise mes cours. وَأَعْمَلُ وَدِبَاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ. Je fais mes devoirs de maison. ثُمَّ أُصَلِي صَلَاتِ الْعِشَاء ثُمَّ أَنَمْ. Ensuite, je fais صَلَاتِ الْعِشَاء, puis je dors. En France, il ne fait pas l'Isha, il regarde la télé. Il ne fait pas l'Isha. Parmi les grosses différences, c'est que lui, alhamdoulilah, il fait salat, mashallah. En plus, il va dormir après. Et en plus, mashallah, il fait sunna, il se couche tôt. Ah, mais en France, là... Il prend le repas et après c'est où la télé ou il va traîner en bas de la cité ou je sais pas ce qu'il fait. Amma fi yom el khamis wa huwa yom el awwal min utla nihayat el usbu'. Et quant au jeudi, yom el khamis le jeudi, il est le premier jour du week-end en fait. Hein. C'est comme ça. Parce qu'en pays d'islam, ce qu'on appelle le week-end, les jours de fin de semaine, c'est le jeudi et le vendredi. Ça, c'est bien, ça. Donc nihayat el usbu' là-bas c'est le week-end. C'est un mot anglais, mais en français, c'est pareil. Genre, il employait pareil, quoi. La fin de semaine. Nihaya, c'est la fin. Non. Nihaya Telozobo, c'est la fin de semaine. En anglais, dit week-end. Fa'arsilu malabisi fi sabah wa azuru asdiqai fi masa. Donc, je lave mes vêtements le matin et je visite mes amis l'après-midi. وفي يوم الجمعة وهو يوم الثاني من العطلة الأسبوع عطلة الأسبوع. Et le vendredi qui est le deuxième jour de congé dans la semaine. أغتسل وألبس الملابس النظيفة استعدادا لصلاة الجمعة. Donc je me lave, je me roufle et je mets mes vêtements propres pour me préparer pour la salade du Jumu'a, en vue de me préparer pour la salade du Jumu'a. Non, oui, préparation. Uhawilu an adhaba qabl iqamati salat. Et je tente d'arriver avant l'iqamat du salat. Avant que la salat ne se fasse. Là, il avait été. Bissa'atayn, de 2 heures. 2 heures avant l'iqamat du salat. On aurait pu mettre. Uhawilu an asilu. An asila. An asila. Non. C'est ça que je ne comprends pas. حتى أقرأ شيئا من القرآن. Afin de pouvoir lire quelque chose du Coran, الكريم, dans le Coran. واستمع إلى الخطبتين. Et pour écouter par la suite, c'est-à-dire par la suite, les deux khutbah. طيب. مفهوم النص. يقول أولا أجيب الأسئلة الآتية من النص. Donc répond aux questions suivantes tirées du texte. متى تنتهي الدراسة؟ Quand se termine les cours؟ ثانيا كيف ترجع للسكن؟ Comment reviens-tu au dortoir؟ ثالثا متى أو مع من تركب الحافلة؟ Avec qui montes-tu dans le bus؟ Et là il dit un terme et il veut que tu t'apprennes le texte. Pas mal. رابعا متى يبدأ النشاط الرياضي؟ Quand débute l'activité sportive. خامسا ماذا نفعل في المساء؟ Que fait-on l'après-midi؟ سادسا متى تغسل ملابسك؟ Quand laves-tu tes vêtements؟ سابعا لماذا تذهب مبكرا إلى المسجد في يوم الجمعة؟ Pourquoi vas-tu tôt au masjid le jour du vendredi? مفهوم الأسئلة؟ طيب. يستكوني غادي إن شاء الله. Donc, tout là, les associés dans l'écran, ils seront pour demain, parce qu'elles doivent réfléchir. On ne peut pas les faire spontanément. ثانياً رتب الكلمات الآتية لتكون جملاً مفيدة. Donc, classe les mots suivants afin de pouvoir former une phrase qui a un sens. أولاً المعهد الذهب قبل أفطر إلى. Donc, avec tous ces mots-là, vous les mettez dans l'ordre pour trouver une phrase, une jumla مفيدة. Tous les mots, on les connaît déjà. Donc. ثانياً السكن صباحا أعود إلى الساعة الثانية في تقريبا. ثالثا العصر أستريح صلاة قبل. رابعا صليت هل المغرب. خامسا الواجب بعد الظهر أكتب المنزلي. سادسا أصدقائي أزور يوم الجمعة. سابعا دروسي في أذاكر المساء. هذا سهل. طيب ثالثا إن الفراغات بكلمة مناسبة. طيب سيلو وسيلة في عرفهم. طيب عندك الجملة الأولى عبد الرحمن. استيقظ أحمد من نومه. نعم. مبكرا فصلى صلاة الفجر ثم تناول الطعام Le verbe qu'on employait, c'est quoi pour le. Donc, Taram, elle. Taram, le Fatwa. Diel ou Anam. Mais ils ont tombé les Liftar. Taram et Liftar. Nam. En fait, c'est Astaïd. Ils n'ont pas mis le Hamza sur le. Hamza Tlkota. En fait, c'est Astaïdda. Astaïdda. لا واستعد للذهاب الى المسجد لا الى المدرسه ايوه خلاص الباقي معك واصل ماشي وانتظر وانتظر هو في ضمن مثل الحمزه وانتظر احمد هناك احمد انتظر احمد نقول به احمد هناك حتى الساعات ثانية وعشر عن توزيع ما استفاد ولا لا؟ إلى تو أحمد avant d'aller à l'école à quelle heure trouve une heure avant l'école. Famina. Dame. Ça, c'est en avant, là, c'est pas dans le texte. Hein. Je t'explique le texte. Je t'explique le texte, je sais que c'est une heure Je sais pas ce qu'ils veulent là. Là, faut mettre le nom. Quoi. Le nom de celui qui fait l'action. Et à 5 heures. Et à 5 heures et demie. C'est qui là, là? Faut que tu mettes un nom là. De celui qui fait tout ça depuis le début. En fait, non, ouais, en fait, non, je me trompe, il n'y avait pas de Hamza Ahmed. C'est Roua, en fait, tout, c'est pas Anna. Et c'est Ahmed qui fait l'action. Donc, c'est normal, ils ont commis le Hamza. Il se dit Ahmed ou Kada, Minel Minomi Mbakirun, Fasola Salat al-Fajr, Sumatana, Walat Naam, Al-Iftar, Wasta Adda. Moi, je dis qu'il n'y a pas de Hamza, en fait. C'est Roua, c'est pas Anna. Il va à la madrasa, et انتظر احمد هناك حتى الساعه 8. Donc c'est Ahmed ou c'est pas Ahmed. Il reste le fa'il. صباحا وفي الساعه 5 ونص. Là il y a un nom, mais je pense. Parce que là Ahmed il a une fatha. Donc c'est quelqu'un qui dit Ahmed. T'es une doma toi? Vous avez le patron en dessous. Ah mais ils ont mis la doma. Ils ont ajouté, en fait ça a été rectifié. Mais ça veut rien dire. Zara Ahmadou, il n'y a pas de l'activité. C'est pour ça qu'il faudrait mettre quelqu'un là. C'est quelqu'un qui dit Ahmed. Il faudrait mettre Ahmed en marque de Donc là, je mets un nom n'importe. Mohamed. Ouais, Mohamed, Mohamed. Mohamed Zahra Ahmada. Là, je crois qu'il y a un truc, il y a un manque là. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu mettre. Mais Mohamed Zahra Ahmada. Thumma. زار أحمد ثم توجه إلى المستشفى. لا، وقاس كم يدي أخوي؟ كم المستشفى؟ بعد الطواف. تشوف مستشفى برشة دي فري؟ لا. لا. إلى إلى نعم. فاشترى. طيب رابعا أجيب الأسئلة الآتية أين يقف الإمام في خطبة الجمعة donc où se tient debout l'imam pendant la khutbah الجمعة ثانيا هل يمكن أن نصلي صلاة الجمعة في المنزل est-il possible de faire صلاة الجمعة à la maison نعم Et pour dire il me possible qui nous nie. Thalithan, limadha nalbasu al-malabis an-nadhifata wa natatayyab li salat al-jumu'ah. Pourquoi nous revêtons des vêtements propres et nous parfumons pour la salat du jumu'ah? رابعا ما الموضوع الذي تحدث عنه الإمام في الخطبة يوم الجمعة الماضي Donc, quel sujet a traité? De quel sujet a parlé l'imam dans la khutba du vendredi dernier? Sujet. Khamisan, min aina tashtari at-tib? D'où achètes-tu le parfum? Sadisan, wasalta ila al-masjidi ba'd intaha salat al-jumu'ah? Ba'd intaha salat al-jumu'ah? Maza tafa'al? Tu es arrivé au Mosjid après que la salat du Jumu'ah soit terminée. Qu'est-ce que tu fais? Sur le fikri. Tu fais quoi? T'as le Jumu'ah. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que ça à faire, frère. Non, comment il n'y a que ça à faire? Non, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas que ça à faire, frère. Il n'y a pas que ça à faire. Tayyib. Khamisan, si je fais un bars, si je fais une recherche, un masala. Savoir si je rate le jumu'ah, qu'est-ce que je dois faire? Fibbeit. Ah, il y a Fibbeit. Tout cela, c'est Fibbeit, ce qu'il faut réfléchir. Tayyib. Khamisan, istardim kalimat atiyaf jumel mufida. Tayyib, on va le faire ensemble, celui-là. Iqamatu salah. Il y a une phrase dans Iqamatu salah, en respectant les harakat. Toi, prépare-toi la deuxième. Al-Muazim, Al-Yunadi, Là, je t'ai bien dit, attention, respecte les harakat. Il y a comme tout, salah. Aïwa. Et là, il y a Dhamma. Tu gagnes la Dhamma. طيب يحاول داود يحاول أن يفعل الجملة المفيدة طيب وداود قد فعل جملة مفيدة الحمد لله Tu l'as fait. Farifan, Shams. T'as de la chance, pas de haraka. Toi, style, istirdad. Fakir an. Je استعداد الإفطار طويل. لا استعداد c'est se préparer c'est se préparer استعداد استعداد c'est se préparer. استعداد c'est se préparer. Ah c'est se préparer oui. Donc استعداد mais استعداد je comprends pas c'est un mazdar. C'est un mazdar c'est dire le fait de se préparer. Mais c'est comment le mazdar استعداد ou استعداد non. Ah, c'est mort dans la canne, maintenant. Si tu ne trouves pas, prépare-toi. Ça y est, le Daoud, il y a un jumla, mon fils, là, ma astir d'aide. Là? الاستعداد ليوم الجمعة مهم. أحسنت. خلاص ريبوستو. شوف أنا فيلم ريبوستو. طيب. سنواصل في الثاني وعشرين. في الأول في الثامن وعشرين. بس هم فصل الدو dernières parties qui restent du kitab parce que j'ai regardé la Shafawi à la fin là. Les images déjà sont pas claires. Il y a des trucs qui sont basés sur les images. Ça nous pousse à regarder les images. Et ça, on n'a pas envie. Vous voyez, donc en fait, c'est deux derniers cours sur les deux derniers. C'est les deux derniers cours là? C'est deux derniers sujets là, ouais. Dans le Wahda al-Tasi'a, sur les deux derniers cours pour le Kitab. D'accord. Et les images, c'est pourquoi ça? Pour la fin, en fait, il veut que tu passes sur les images et que tu fasses une histoire et tout, kaza, kaza, kaza. Donc les images sont pas claires, en plus, tu te pousses à regarder les images. Et. Alors, c'est pour faire la couille, t'as avant nous la bille, on va t'as quoi. Donc à la base, on va pas s'entraider à regarder ces images. Aïe. Dame. كيف تقضي الإجازة؟ Ça c'est le titre de la Wahda. Comment tu passes? إجازة c'est congé, vacances. C'est le même sens que Rokla. Un peu. Peut-être pas l'Ijaza pour le Coran par exemple. C'est une permission pour enseigner. Mais là, sans doute pas l'Ijaza là. C'est le temps libre que tu as. L'Ijaza, non. Ramadan ou l'Umra, c'est la première partie. Ramadan ma'rouf, Shahr Ramadan, alladhi wujiba fi as-siyam ala al-ibad. Ou l'Umra. Entre parenthèses, as-sawm. Le sujet, c'est en fait, c'est le fait de faire la siyam et l'Umra pendant Ramadan. L'Umra n'a pas de temps défini, comme l'a fait. L'Umra, tu l'appelles quand tu veux. كلمات جديدة حزم يحزم ça c'est comme أقفل c'est bouclé on va dire cadenassé non ça ressemble à ça mais là dans le son dans le texte ça va plutôt être bouclé siyam c'est là des masdar de sama yasoum tu peux dire saum tu peux dire siyam dire jeûne. Ramadan, ma'louf. Haddatha yuhaddithu. Là. Ça, c'est raconter ou dire quelque chose à quelqu'un. Et c'est produire, c'est quoi? Haddatha? Non. Ah, sans shadda. C'est raconter. Okay. Dire à quelqu'un. Sabaku yasbiku, c'est devancer. Devancer. Précéder. Soma yasumu, ma'louf, jeûné. El haram, là ils veulent quoi? El mazil haram. Vous voyez? Mosquée sacrée de Mecca. El sahour, c'est quoi le sahour? C'est la coupure du jeûne. Ah bon? Non. Ah bah essaye, tiens. Essaye de faire le sahour pour couper ton jeûne. Sahou, c'est contraire, c'est avant le jeûne. C'est le repas que tu prends le matin. C'est le repas, ouais, c'est. Sahou. Suhour, on l'a dit, c'est le temps. Et sahour, c'est le repas. Le fait de prendre le repas. As-subh, ma'louf, c'est l'aube. Comme le fajr. Al-maghrib, c'est coucher le soleil. El-Isha, c'est celle du soir, celle-là du soir. El-Isha, c'est quoi? Le nom de la salat ou c'est un temps dans la journée? C'est le nom de la salat et c'est aussi un temps. Toutes les salats, leur nom, c'est un temps. El-Tarawih, ouais. C'est la salat qu'on fait, la salat Nafila, qu'on fait pendant les nuits de Ramadan. Nahar, journée. D'ailleurs, c'est la journée. Fikra, c'est une idée. Fikra, c'est une idée. Ijaza, ma'na outla. Et souvent, Ijaza, on met pour des congés. Comme ça. Et outla, c'est des vacances. Mais qu'à la base, c'est presque pareil. Al-Umra, ma'louf. Intazara, yantaziru. Ma ma'na intazara, yantaziru. Islam. Mithl. Comme. Un exemple de. Fatatun. C'est une jeune fille. Mouanas de Fata. Ummun, mère, une mère. Rasail, Jam, Risala. Jam, Risala. Shahr, c'est mois. Un mois, 30 jours. Waladun, c'est un enfant. Et ensuite, dans le ta'birat, il y a le doua, waffaq Allah. Voyez, que Allah t'accorde le succès ou la réussite, en fait. On ne peut pas vraiment traduire, mais ce qui est de plus propre ou de plus proche, c'est ça, quoi. Ton fixe, c'est qu'Allah t'accorde l'occasion de faire la chose qui t'apporte du bien. طيب الحوار معنا محمد احمد واسماعيل انت احمد وانت اسماعيل اراك تحجب حقائبك يا اسماعيل donc il dit je te vois boucler tes valises au اسماعيل نعم اني استعد للسفر il dit oui je me prépare certes pour le voyage هل تسافر الى اهلك Est-ce que tu voyages vers ta famille pour te rendre à ta famille? Donc le savenir l'aine, c'est pour faire une négation future. Et ça, fadnas, donc le verbe qui en a rien à mon soul. Il dit non, je ne voyagerai pas cette fois-ci vers ma famille. Qui dit alors où vas-tu donc passer tes congés ou ton congé en fait c'est l'i l'iada oui on fait une erreur là. C'est l'iada'i l'iada umrati wa siyami shahri ramadan hunak donc il dit je vais aller à Mecca pour accomplir une umra et faire le jeûne du mois de ramadan là-bas هذه فكرة طيبة وفقك الله لقد سبق أن صمت شهر رمضان هناك donc il dit c'est une très bonne idée car là t'accordes la réussite et il m'est déjà arrivé en fait لقد سبق أن صمت شهر رمضان هناك il m'est déjà arrivé de jeûner le mois de Ramadan là-bas c'est comme ça qu'on dirait لقد سبق إذا حدثني عن حدثني حدثني إذا حدثني عن الأيام التي قضيتها في مكة. Donc il dit alors raconte-moi les jours que tu as passé à Mecca. نعم اسمع كنت أتوجه من الحرم بعد تناول السحور لصلاة الصبح. Donc il dit oui, écoute, je me dirigeais vers le Masjid al-Haram après avoir pris le sahur, non pas du sahur, pour la salat du subh, Fajr. Et comment passais-tu ta journée? Le nahar du yomika, c'est la journée de ton jour, mais ça ne se dit pas, donc on dit directement ta journée. في الحرام وبعد غروب الشمس أتناول الإفطار مع الجماعة ثم نصلي صلاة المغرب. Donc il dit je fais la salat du Dhuhr et du Asr au Masjid al-Haram et après le coucher du soleil on prenait l'Iftar avec un groupe ensuite on faisait salat المغرب avec le groupe non avec le groupe en groupe quoi non Ismail وكيف كنت تقضي ليلك؟ Et comment passais-tu ta nuit? أعود للحرام صلاة العشاء والتراويح. Donc je revenais, il dit أعود, mais en fait non, je me suis passé, je revenais au Masjid al-Haram pour la salat du Isha et pour le Taraweeh. Et ça là, comme ça, si on parle comme ça, les gens ils comprennent ou pas? Non, ça c'est pas, ça c'est basique. Ça. C'est des formules basiques. Ils sont clairs? Donc juste un truc, je vais voir, il y a le mot Accra. Je crois que c'est un lieu. Je voulais vérifier. والساسة نوليو. طيب يستمع وردد. سيصوم الزائر في أكرا. Donc les visiteurs vont jeûner à Accra. Je ne sais pas c'est quoi Accra. On dirait que c'est un lieu. On dirait le nom d'un lieu. Et là, en fait, je vais vous faire quoi? Vous faire vous montrer comment utiliser l'an, qui est un harf al-nazr, ou un nafi ostikbel, qui est une particule de, du nazr, qui apporte une négation dans le futur. Donc il dit quoi? L'an asoma. Len yasouma azairu fi Accra, que le visiteur ne gênera pas à Accra. Thaniyan, sayukfilu al-amilu al-bawaba, l'employé ou le travailleur va fermer les portes ou les portails. Len yukfila al-amil al-bawaba, que le amil ne va pas cadenasser plutôt les portails. Thalithan, sayuradiru al-qitar, le train va partir. L'anyura dira le kitar. Le train ne va pas partir. Rabian, sayu akidu el musafirani el hajj, que les deux voyageurs vont confirmer la réservation. L'anyu akida el musafirani el hajj, les deux voyageurs ne vont pas réserver, confirmer la réservation. Khamisan, sayahmilu el bintu ou satahmilu el bintu el haqiba, la fille va porter la valise. لن تحمل البنت الحقيبة. La fille ne va pas porter la valise. ثالثا ستتجه الفتاتة والفتاتان إلى الصلاة. Que les deux jeunes filles vont se diriger vers la, le salon. Voilà, le salon. لن تتجه الفتاتان إلى الصلاة. Que les deux jeunes filles ne vont pas se diriger vers le salon. Sabian, sayantaziru rukabu al-safina. Les passagers vont attendre le bateau. Lanantazira rukab al-safina. Les passagers ne vont pas attendre le bateau. Thaminan, sayusalli al-sa'imuna al-tarawih fi al-haram. Que les jeûneurs vont faire ça de tarawih dans le haram. Zid al-haram. Lanusalli al-sa'imuna al-tarawih fi al-haram. Que les jeûneurs ne vont pas faire le tarawih الحرام. تاسعا سيهجز العاملات ستهجز عفوا العاملات السحور. Que les travailleurs, les employés, on va dire, travailleuses, employés, vont préparer le sahur, le repas du matin, avant le jeûne. جاهز يجهز. Préparer. لن تجهز العاملات السحور. Que les employés, femmes, les femmes ne vont pas préparer le sahur. عشرا سيكلف السفر للعمرة نقودا كثيرة. Le voyage pour la Umrah va coûter beaucoup d'argent. نقود là c'est de l'argent. لن يكلف السفر للعمرة نقودا كثيرة. Que le voyage pour la Umrah ne coûtera pas beaucoup d'argent. حادي عشر ستطبخ الأمهات الطعام. Les mères vont cuisiner le manger. لن تطبخ الأمهات الطعام. Que les mères ne vont pas cuisiner le manger. تطبخ يطبخ c'est cuisiner. طيب لن سامبنا نفس كل تطبيق. Appliquer ce qu'on vient prendre. ثانيا أجيب كما في النموذج. النموذج هل سيسافر سليم إلى بلدي؟ Est-ce que Salim va voyager à son pays؟ لا لن يسافر سليم إلى بلدي. الجملة الأولى هل سيعلن الموظف الخبر؟ Est-ce que l'employé va annoncer la formation؟ عندك؟ لا لن يعلن الموظف الخبر. ثانيا هل سيفحص الطبيب المريض؟ Est-ce que le médecin va consulter ou va ausculter le malade? Non. Thalithan, elle satasilu arsa'ilu bil barid. Est-ce que les courriers vont est-ce que les lettres plutôt vont arriver par la poste? Non. Khamisan, هل سيقابل الموظفان القطار؟ Est-ce que les deux employés vont rencontrer le train؟ أيوة. هل ستكتب فاطمة البرقية؟ Est-ce que Fatima va écrire le télégramme؟ لا لن تكتب فاطمة البرقية. نعم. والخامسة؟ لن يقابل الموظفان القطار. نعم. سادسا، هل ستعمل الممرضات في المستشفى؟ Est-ce que les infirmières vont travailler dans l'hôpital؟ لا لن تعمل الممرضات في المستشفى. هل سيسافر خالد بالطائرة؟ Est-ce que خالد va voyager par avion؟ ثامنا، هل سيرسم المهندسون الخريطة؟ Est-ce que les architectes ou ingénieurs vont dessiner la carte؟ لا لن يرسم المهندسون الخريطة. خريطة. طيب سنكفنا إن شاء الله. والباقي نكمل غدا مع الإقراء. طيب on continue le dars demain inchallah avec la partie Iqra. On s'est terminé avec le dars 30e leçon et après ça inchallah on va finir le livre. Il faut dire là. Il y aura des choses qui nous auront pas trop plu dans le livre. Ça je pense que tu le referas plus. Ah, c'est la même organe après. طيب في سؤال؟ نعم لا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.